Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est de la musique. Excusez-les, ils jouent comme ils peuvent. C'est le chant de la vanité, vous connaissez? Eh bien, écoutez et que cela vous serve de leçon. Chacun vit de sa tête, mais il faut être fou pour croire qu'une tête peut nourrir plus d'un pouls. Car pour cette vie, l'homme n'est pas assez malin. De ruses et fourberies, le monde en est plein. L'homme se croit très fort, fait des plans d'avenir. L'homme s'épuise en vains efforts, sans jamais réussir. Car pour cette vie, l'homme n'est pas assez méchant. Il vaut mieux faire envie que pitié aux gens. On poursuit le bonheur et le bonheur s'enfuit. Tandis qu'on court avec ardeur, le bonheur vous poursuit. Car pour cette vie, l'homme est bien trop exigeant. Trop souvent, il oublie qu'on ne vit qu'un temps. Votre plan, mon, était génial, mais irréalisable. Tout ce que vous trouverez à coffrer ici, ce sont quelques jeunes gens qui veulent fêter le couronnement de leur reine en organisant un petit bal masqué. Si les vrais malheureux arrivent, car il n'y en a pas un seul ici, c'est par milliers qu'ils viendront. Je vais vous dire, vous n'avez pas songé à la foule innombrable des misérables. S'ils se tenaient en rang serré sur le parvis de l'église, ça ne serait pas un spectacle très réjouissant, hein? Ces gens n'ont pas belle apparence. Vous savez ce que c'est qu'un lupus, bon ? Eh bien, imaginez côte à côte 120 pauvres bougres affligés d'un lupus. La reine ne doit voir que des visages rayonnants, bon ! Pas des visages rongés par le lupus. Et tous ces infirmes groupés près du portail de l'église. Il faut éviter ça à tout prix, bon. Vous me direz que la police peut venir à bout de tous ces misérables. Au fond, vous n'en êtes pas si sûr, hein ? Avouez-le, et même dans ce cas. Imaginez quelle impression ça fera. Si la police est obligée de matraquer 600 pauvres infirmes, ça fera une sale impression, hein. C'est un spectacle répugnant. De quoi vous rendre malade. Moi, j'en ai les jambes qui flageolent, rien que d'y penser. Passez-moi une chaise, voulez-vous. Mais c'est une menace. Dites-moi, c'est du chantage, ça. Et avec ça, on ne peut rien lui reprocher, à cet homme. On ne peut rien lui reprocher qu'il nuise à l'ordre public. On n'a jamais vu ça! Jamais! Eh ben, on le voit. Non, je vais vous dire quelque chose. Avec votre reine, vous pouvez vous conduire comme vous l'entendez. Mais l'homme le plus pauvre de la ville, il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Autrement, vous risquez de vous retrouver débronné, monsieur Bro. Alors, il faut que j'arrête Maquis, monsieur Rineur. L'arrêter, c'est facile à dire. Il faut tenir quelqu'un avant de l'arrêter. Mais ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Je me charge même de vous le trouver, cet homme. Et nous verrons bien s'il y a encore une justice. Jenny, où se trouve actuellement monsieur Maquis? Oxford Street 21, chez Suki Taudry. Vous allez immédiatement au 21 Oxford Street chez Suki Taudry. Vous arrêtez Maquis et vous le conduisez à la prison centrale. Pendant ce temps-là, il faut que j'aille mettre mon uniforme de gala. Un jour comme aujourd'hui, il faut absolument que je mette mon uniforme de gala. Bon, si à 6 heures, il n'est pas pendu... Ah, Mac, ça n'a pas marché. Et que cela vous serve de leçon, monsieur Bon. Pour la troisième fois, modification du plan de marche. Nouvelle direction, la prison centrale. En avant, marche! Si l'homme n'est pas bon, tapez-lui donc dessus. Peut-être deviendra-t-il bon à force d'être battu. Par vous cette vie, l'homme n'est pas assez bon. C'est pourquoi je vous prie, cognez son façon.